الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui arrivés au 10e cours, Walillahi alhamd. Donc on est toujours dans la série de cours sur le tafsir de Juz Amma. Et nous en sommes arrivés à la surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar, la rupture. Naam. Et cette sourate est comme la précédente, l'obscurcissement. C'est-à-dire qu'il y a la mention des choses terribles et effrayantes qui arrivera le jour de la résurrection et après cela. Et on avait cité le hadith d'Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agré, lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise quand le soleil sera obscurci et quand le ciel se rompra et quand le ciel se déchirera. Et ce sont des choses terribles. Allah subhanahu wa ta'ala a répété la mention de ces choses dans ses sourates, ainsi que d'autres, pour que ce soit une leçon et un serment pour nous, une exhortation. Et pour faire peur à celui qui a dans son cœur la foi. Et pour qu'il ait aucune excuse. Et un avertissement et une menace pour l'incroyant. Afin qu'il ne dise pas: je ne savais pas ce qui allait se passer le jour de la résurrection. Et qu'il a été surpris. Hein, et c'est pour cela qu'il ne s'est pas préparé à cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te montre, te clarifie ces choses comme si tu les voyais, afin de se préparer pour ce jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت, quand le ciel se rompra. Quand le ciel se rompra. C'est-à-dire quand le ciel, celui qui était renforcé, celui qui n'avait pas de brèche dans cette dunya, ce jour, il se rompra, c'est-à-dire il se déchirera. Il se déchirera, s'écorchera. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate le discernement, verset 25: et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Donc le ciel se déchirera, Wallahu al-musta'an, car son terme est terminé. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait prédestiné, il est terminé, car chaque chose qui a un terme fixé se termine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va plier les cieux. Il va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis il va plier la terre, les terres, et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Hadith d'après Ibn Omar, qu'Allah l'agré, et son père, rapporté par Muslim. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, et que les étoiles se dispersent, se disperseront. Et nous, on avait vu dans Surat Takwir, juste avant, et que les étoiles deviendront ternes. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et que les étoiles se disperseront », c'est-à-dire qu'elles tomberont. Elles tomberont. Leur beauté disparaîtra. Comme on a vu dans Surat At-Takwir. Elles deviendront ternes. Elles deviendront ternes. Leur lumière va disparaître et elles se disperseront. Wallahu al-musta'an. Car son terme est fini aussi. Le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné, dans cette dunya, il est fini. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Et que les mers confondront leurs eaux. Et que les mers confondront leurs eaux. C'est-à-dire les mers, les océans, les rivières, hein, qui étaient écartés les uns des autres, deviendront une seule mer. Car il y avait des barrières entre elles. Dans cette dunya, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rahman, le tout miséricordieux, versets 19 et 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans Surat Al-Furqan, le discernement, verset 53. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers. L'eau douce, rafraîchissante, l'autre salée, amer. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Fin du verset. Mais quand son terme viendra, Allah subhanahu wa ta'ala fera disparaître ces barrières. Et les mers se mélangeront et elles feront qu'une. Il a été dit aussi dans l'explication de ce verset que les mers se déverseront. Wallahu al-musta'an. Toute la terre sera remplie d'eau. Et on avait vu dans Surat At-Takwir aussi, et les mers allumées. On avait vu que ces mers immenses, le jour du jugement, elles s'enflammeront d'un feu attisé. Wallahi, un jour terrible. Un jour effrayant. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Et que les tombeaux seront bouleversés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir les morts qui habitaient ces tombes. Ces tombeaux qui étaient remplis de morts, un jour viendra où ils sortiront de leurs tombes vivants. Allah va les ressusciter. Hein? Et que les tombeaux seront bouleversés. Hein? Seront renversés. Ce qui était à l'intérieur apparaîtra. Et ce qui apparaîtra sera à l'intérieur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ressusciter les gens ce jour-là. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Quelle est la conclusion de tout cela? Yani, de ces choses terribles, effrayantes qui vont arriver. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Naam, chaque âme saura ce qu'elle a présenté, comme on l'a vu dans Surat At-Takwir. Toutes les âmes sauront ce qu'elles ont présenté comme bien ou mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, verset 30, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et même ce qu'elle aura remis de faire à plus tard. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas repousser la bonne œuvre. Il faut se précipiter vers les bonnes œuvres, ne pas retarder. Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Avant que la mort arrive déjà. En premier. Et le jour du jugement. Hein? Et dans le hadith selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses. Une aumône continue. Une science dont les gens tirent profit. Un enfant pieux qui invoque pour lui. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc il ne faut pas retarder les bonnes œuvres et il faut laisser derrière lui des bonnes actions et des choses qui lui rapporteront aussi des bonnes actions, comme les enfants pieux, etc. Construire des choses bien, dont les gens vont profiter, et beaucoup d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « Ya ayyuha l'insanu ma gharraka bi rabbika al-karim » Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ensuite à cet être humain négligent vers son Seigneur, à cet être humain qui a osé mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit en le blâmant, « Oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble ?» C'est-à-dire, quelle chose t'a trompé jusqu'à mécroire en Allah et lui associer et à commettre le mal? Qu'est-ce qui t'a trompé jusqu'à négliger et oublier ton futur? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala certes t'a donné tous ses bienfaits et t'a nourri de bien et t'a assisté en te donnant la force, la santé, les sens et la raison. Qu'est-ce qui t'a détourné d'Allah? As-tu une excuse dans cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Tout cela afin de le réprimander et de le blâmer. Car c'est une menace, il le menace ici. Il dit ensuite, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, alors que tu n'étais rien, tu n'étais même pas mentionnable. Il t'a créé d'une goutte de sperme. Est-ce que quelqu'un d'autre t'a créé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu te diriges vers quelqu'un d'autre? Est-ce que ces statues que tu adores, ou ces mausolées, ces tombeaux, toutes ces divinités que tu adores, t'ont-ils créé et t'ont donné la subsistance? Ce sont des créatures comme toi, mais plutôt encore plus faibles que toi. Et il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé seul. Comment peux-tu mécroire en lui et renier ses bienfaits? Et il n'y a pas de divinité en vérité digne d'adoration si ce n'est Allah. Lui seul mérite l'adoration. Et toutes les divinités en dehors d'Allah sont fausses. Comment peux-tu les adorer en dehors d'Allah? Allah t'a créé, puis t'a modelé de la meilleure des façons. Il t'a créé droit avec les membres parfaits et l'essence et le corps. Tout ce que tu as besoin est présent en toi. Tout s'est bien fait. Il t'a modelé et constitué harmonieusement. C'est-à-dire, il t'a constitué de façon juste et droite, de la meilleure des formes, de la plus belle des apparences. Tu n'es pas comme les animaux, qui ne sont pas droits et proportionnés, mais plutôt ils marchent sur les mains et leurs pieds, leur tête à l'envers, contrairement à toi. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce convenable de ta part d'être ingrat au bienfait du bienfaiteur et de renier la bienfaisance du bienfaisant? Ceci n'est que le résultat de ton ignorance et de ton injustice, de ton entêtement et de ta tyrannie. Loue donc Allah subhanahu wa ta'ala et remercie-le, car il n'a pas fait de ta forme la forme d'un chien, par exemple, l'ayadu billah, ou d'un âne, ou d'un singe ou autre, parmi les animaux. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, après, « Fi ayyi suratim ma sha'a rakkabak » Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des gens qui sont beaux, des gens qui sont moches, ou entre les deux, des gens de différentes couleurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Naam. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. C'est-à-dire non, l'affaire n'est pas Ô vous les mécréants, comme vous dites, que vous êtes certes sur la vérité dans vos adorations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous traitez de mensonge la résurrection, la rétribution et les comptes. Malgré les exhortations et les rappels, vous ne cessez de traiter de mensonge la rétribution. Et vous dites, ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons. Et nous ne serons jamais ressuscités. Naam. Et ici, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal tukadhibuna bid-din. Donc ici, ils ont traduit par la rétribution, comme on a dit ici, dans le sens. Mais il a été dit aussi dans l'explication, le mot din ici, c'est-à-dire la religion. Car dans la langue arabe, le mot din, il veut dire la religion, mais aussi la rétribution. Hein? Comme dans Maliki Yawmiddin. Hein? Donc le sens ici, c'est que vous n'acceptez pas la religion avec laquelle les messagers sont venus. Et les deux sens sont corrects. Les deux sens sont corrects. Pourquoi ? Parce que dans la science du tafsir, comme ils disent les savants, ainsi que dans l'explication des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une règle importante à savoir, c'est que le verset peut contenir, si le verset par exemple, il peut contenir deux sens, il peut avoir deux sens ou plusieurs dans l'explication, et que ces sens ne contredisent pas les uns les autres, alors on les accepte. Comme dans le tafsir par exemple de ce verset, donc les deux sens sont corrects. Les deux sens sont corrects. Car les mouchriquins, les associateurs et les mécréants renient et traitent de mensonge la rétribution, le jour de la rétribution, mais aussi traitent de mensonge à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle les prophètes sont venus. Naam. Et le jour de la rétribution fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, wa inna alaykum la hafirin, alors que veillent sur vous des gardiens qui kiraman katibin, de nobles scribes. Naam, ce sont les nobles anges qu'Allah a chargés pour écrire vos paroles et vos actions. Et rentrent dans cela les actions du cœur, comme on avait vu, et les actions des membres. Et on avait parlé de ça à plusieurs reprises. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits de nobles. Ils sont nobles et non vils. Ils sont injustes envers personne. Ils ne notent pas sur l'être humain des choses qu'il n'a pas faites. Il convient pour vous de les honorer donc, et les estimer et les respecter. Ya'lamuna ma taf'alun, qui savent ce que vous faites. Naam, comme bien ou comme mal. Ils savent ce que vous faites, soit car ils sont témoins dans vos actions. Hein, on parle des anges ici. Hein. Ou soit ils écoutent ce que vous dites. Et même les actes du cœur, ils savent car Allah subhanahu wa ta'ala leur informe. Car comme on avait dit, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc ils savent ce que vous faites. Ils savent ce que vous faites dans la nuit et le jour. Dans l'isolement ou avec les gens. Sur la terre et la mer. Que ce soit le bien ou le mal. Tout est inscrit. Que tu sois un roi ou un pauvre, faible, que tu sois un riche, que tu sois un homme ou une femme, un djinn ou un être humain, ils savent ce que vous faites. Ils inscrivent tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite la destination et le résultat pour cela. Et il dit, inna al-abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim yaslawnaha yawm ad-din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din yawm la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawm idhin lillah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna al-abrara lafi na'im, les bons seront certes dans un jardin de délices. Na'am, les bons sont ceux qui font le bien constamment et s'éloignent du mal. Ce sont ceux qui ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala ses droits ainsi que les droits de ses serviteurs. Ceux qui faisaient constamment le bien dans les œuvres du cœur et dans les membres. Cela, leur rétribution sera le délice. Mais quel délice on parle, Ikhwa ? Oh, mes frères, mes sœurs, quel délice ici on parle ? Le délice du cœur et de l'âme. Et du corps. Dans cette vie d'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Subhanallah. Le délice sera avec eux dans la vie d'ici-bas. Et dans la tombe et au jour de la résurrection. Hein, ils seront dans un délice, un bonheur, un repos de l'âme. Ils prennent du délice dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Ils prennent du délice dans la récompense, dans la tombe et dans l'au-delà. Et même si il est pauvre, indigent, faible dans cette dunya, il est dans un délice. Car comme on a dit, le délice est dans le cœur. Et il n'est pas dans l'abondance des biens, dans la multiplication des biens. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Et les libertins seront certes dans une fournaise. Ce sont ceux qui ont négligé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses serviteurs. Ceux dont les cœurs se sont pervertis, ainsi que leurs actions. Ils seront certes dans une fournaise, c'est-à-dire dans un châtiment douloureux, dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, et dans la tombe, et dans l'au-delà. Comme les bons étaient dans un délice, dans cette dunya, dans la tombe, et dans l'au-delà, les libertins, les gens mauvais, ils seront dans un châtiment douloureux, al-jahim, dans une fournaise, d'abord dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà. Une fournaise dans leurs âmes, une étroitesse dans leur poitrine. Ils seront dans les soucis et la souffrance jusqu'à s'en suicider. Wal'iyadu billah. Tellement il est dans les soucis et la souffrance. Hein, il trouve, pour lui la dernière solution c'est quoi ? C'est de se suicider. Mais lui il ne sait pas qu'après il y a un châtiment qui est encore plus douloureux. Une chose qui est encore plus dure. Le châtiment de la tombe et le châtiment dans le dola. Dans la tombe. Hein, leur tombe s'enflammeront d'un feu. Elle sera une fosse parmi les fosses du feu. Et dans l'au-delà, ils seront en enfer éternellement. Le châtiment le plus dur. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et Cheikh Fawzan, Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit dans l'explication de ce verset, il nous ramène un bénéfice important. Il dit qu'on ne s'imagine pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit seront certes dans une fournaise, quand ils seront ressuscités seulement. Non, mais plutôt aussi dans cette vie d'ici-bas, ils seront dans une fournaise et dans une vie pleine de gêne. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Taha. Hein, dans Surah Taha, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Yaslaunaha yawm ad-din. Où ils brûleront le jour de la résurrection. Naam, ils seront châtiés d'un châtiment extrême, le plus intense des châtiments, le jour où ils seront rétribués selon les actes qu'ils ont accomplis, comme on a vu. Incapables de s'en échapper. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Incapables de s'en échapper. Ils ne pourront pas en sortir. Ils y resteront éternellement. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat La Table Servie, verset 37. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Le Pèlerinage, Al-Hajj, verset 22. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise. » Donc, incapables de s'en échapper, ils y demeureront éternellement. Il n'y aura ni allègement, ni repos, et ni mort, ne serait-ce qu'un jour, comme on avait vu. Quand ils demanderont à l'ange d'invoquer leur Seigneur, de leur alléger le châtiment, ne serait-ce qu'un jour. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala immensifie ce jour et dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la résurrection? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la résurrection? Et ça, c'est à titre de pour immensifier ce jour, comme on a dit. Hein? C'est-à-dire, quelle chose va t'informer de ce jour de la rétribution? Cette chose qui va t'informer ce jour, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera Allah. C'est-à-dire le jour du jugement. Personne ne pourra rien pour personne. Car chacun, afouen, sera occupé par sa propre personne. Chacun sera occupé par sa propre personne. Il ne pourra apporter un bien envers personne, ni repousser un mal, même aux personnes les plus aimées et les plus proches pour lui. Et ce jour-là, le commandement sera uniquement à Allah. Le commandement sera uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera pleinement visible. Il était visible dans cette dunya, na'am. Il n'y a pas de doute. Mais il sera encore plus visible. Pourquoi? Parce que dans cette dunya, l'être humain, l'orgueilleux, le mécréant, qui contredisait les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il obéissait à l'ordre de son chef humain, lui ne voyait pas le commandement qu'il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui ne voit pas que le commandement est à Allah, mais ce jour, il n'y aura pas de commandement si ce n'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans sourate le pardonneur, verset 16, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. La royauté appartient seule à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais ce jour, comme ils disent les savants, dans l'explication de ce verset, il apparaîtra, il sera encore plus visible. Et tout le monde saura. Et il apparaîtra qu'il n'y a pas de commandement si ce n'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et comme on avait cité le hadith au début, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va plier les cieux et il va prendre dans sa main droite, puis il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Et il va plier les terres et il va prendre dans sa main gauche, puis il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Naam, donc ce jour-là, le commandement sera uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas d'autre commandement si ce n'est le sien. Ainsi se termine cette sourate. Et c'est donc une immense sourate, comme on a pu le voir, comme les sourates précédentes, qui possèdent beaucoup de rappels et d'exhortations, alhamdulillah. Donc il est obligatoire pour le croyant, lorsqu'il la lit, avec méditation et réflexion, qu'il en tire bénéfice de ce qu'elle contient. Et il est obligatoire de faire cela avec toutes les sourates du Coran et tous les versets, afin qu'il soit parmi ceux qui tirent le son du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il en tire bénéfice. et qu'il soit parmi les gens du Coran, et que ce soit une preuve pour lui. Et enfin, qu'il le mette en pratique. Qu'il le mette en pratique. Naam. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens du Coran, les gens quand ils le lisent et qu'ils méditent dessus, le comprennent de façon correcte et qu'ils le pratiquent et qu'ils en tirent bénéfice. Naam. On a terminé, alhamdulillah, cette sourate. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والله أعلم. Et on se retrouve demain inshallah ta'ala pour sourate al-mutaffifin, les fraudeurs, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum khayran. Le prochain cours, Inch'Allah, 22h, comme d'habitude. Naam, soyez présents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.